elles ne se produisent nulle part ailleurs à une telle fréquence. Et nous avons les moyens de changer ça. Il va falloir que les Américains s'en rendent compte un jour, que nous soyons collectivement capables de changer notre façon de voir la question des armes à feu. 4 mois plus tard, le reprend la parole après la tuerie au campus universitaire de l'Oregon qui fait 9 morts. Nous sommes devenus insensibles à tout ça. On a parlé après Columbine, Blacksburg, Truscon, après Newtown, Aurora, Charleston. À chaque fois que ça se produit, je répète que nous avons les moyens d'agir, mais que nous allons devoir changer les lois. Et ce n'est pas quelque chose que je peux faire tout seul. J'ai besoin d'avoir le soutien du Congrès, des législateurs et des gouverneurs. Combien de morts faudra-t-il encore pour que cesse cette épidémie? Est-ce que le prochain président aura le pouvoir de limiter ce mal qui ronge ce pays? Et surtout, le voudra-t-il? Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la tuerie de Columbine, notre invité Didier Combeau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes politologue, vous avez enseigné la civilisation américaine à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et aujourd'hui vous êtes chercheur associé à l'Institut des Amériques. Vous êtes, je le rappelle également, l'auteur de l'ouvrage intitulé « Des Américains et des armes à feu » qui est en réalité la publication de votre thèse hein, sur le oui, sujet. Tout à fait. Vous confirmez. Bien. Alors, au cours du récit, nous nous sommes intéressés au drame de Columbine, ça ne vous a pas échappé. Comment peut-on expliquer que cette histoire ait tant marqué les mémoires aux États-Unis? On peut l'expliquer par la nature du drame, hein, tout simplement, mais aussi à l'étranger, alors qu'il y avait déjà eu des tueries de ce genre aux États-Unis dans une université, je crois. Oui, tout à fait. Il y avait une tuerie assez semblable à l'université du Texas, par exemple, dans les années 60. Donc, ces tueries, ça n'est pas quelque chose qui est complètement nouveau. Ce qui est très troublant dans cette affaire de Columbine, c'est tout d'abord que ça se passe dans un lycée, avec des adolescents très jeunes, que les auteurs sont eux-mêmes très jeune, et surtout qu'on est dans un lycée qui se situe dans une banlieue tranquille de Denver, qui n'est pas dans un quartier sensible. Les adolescents qui sont auteurs de cette fusillade sont des adolescents, certes peut-être un petit peu troublés psychiquement, mais comme il peut y en avoir dans tous les lycées. Ils s'intéressent aux jeux vidéo violents, mais comme il est dit dans votre récit, les victimes aussi pratiquent des jeux vidéo violents. Et donc, leurs parents, ce sont des gens de classe moyenne, plutôt aisés. Et donc, on peut s'assimiler dans cette affaire, à la fois aux victimes et finalement aux auteurs. Hein. Les parents se disent, ça pourrait être mon enfant, finalement. Bien sûr. Et c'est ce qui fait que ça a été très marquant, à la fois pour les États-Unis et pour le reste du monde. Alors, ce qui a été très marquant aussi, mais c'est d'abord parce que le fait est marquant, c'est que ça a été relié par le cinéma, par les documentaires. Donc ça montre bien, et d'ailleurs par des artistes, je pense notamment à Gus Van Sant, qui sont européens. Oui, tout à fait. Et ça a été aussi un traumatisme très violent, dans la mesure où, à la fin des années 90, il y a les moyens d'enregistrement, il y a les images qui ont été prises par les caméras de surveillance, il y a ces enregistrements des appels téléphoniques au 911, et donc il y a beaucoup de réalité dans cette affaire-là. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu cette affaire n'est pas connue par les films, elle n'est pas connue par le documentaire de Michael Moore ou par le film de Gus Van Sant. C'est parce que cette affaire a eu un écho formidable dans le monde que le film, le reportage ont été faits. Alors, vous disiez, quand vous faisiez le portrait familial de ces deux gamins, donc ils étaient de classe moyenne, même plutôt aisée, ça veut dire que la possession d'armes à feu et les drames liés à cette possession des armes à feu, elle n'est pas sociologiquement claire. Je veux dire, c'est pas les populations défavorisées, ça touche tout le monde apparemment, et ça peut toucher tout le monde. Tout à fait. Le fait d'avoir une arme aux États-Unis est quelque chose de tout à fait ordinaire. Alors est-ce qu'il y a maintenant, en fonction des États, est-ce qu'il y aurait une géographie de la violence aux États-Unis? Est-ce qu'on aurait plus dans le Middle West, sur la côte ouest que sur la côte est? Je ne sais pas. Il y a surtout une géographie urbaine. Ouais. Il y a beaucoup plus de décès dans les grands centres urbains que dans les régions rurales. Et donc, la demande de réglementation des armes à feu existe beaucoup plus, par exemple, sur la côte Est, où il y a des villes importantes, que dans les États ruraux comme le Montana ou le Wyoming, où les armes sont essentiellement des armes de chasse ou des armes de distraction. Alors, le problème de fond, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le droit aux armes, aux États-Unis, qui est garanti par un article de la Constitution. C'est bien ça, il faut nous rappeler ça. Oui, parce que c'est pour nous, c'est vraiment l'étranger. Ça n'arriverait pas en France, évidemment. Oui, tout à fait. Il y a un amendement à la Constitution, le deuxième amendement, qui fait partie des 10 premiers amendements qui ont été adoptés peu de temps après l'adoption de la Constitution, en 1791. Et ces 10 amendements, qu'on appelle la Déclaration des droits, sont les amendements qui définissent les libertés des citoyens et les libertés des États. Et ça a une valeur extrêmement importante aux États-Unis. Alors pendant longtemps, on s'est demandé ce que signifiait véritablement ce deuxième amendement, parce que il n'est pas très clair. Il dit, il est très court, hein, il fait 27 mots. Il dit « Une milice bien administrée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit des citoyens à porter des armes ne sera pas entravé ». Et ce qu'ont retenu les amateurs d'armes, c'est la deuxième partie de cet amendement, c'est le droit des citoyens ne sera pas entravé. Ce qu'ont dit pendant longtemps les partisans de la réglementation, c'est que on n'a pas le droit d'avoir des armes dans toutes les circonstances, c'est pour que l'État puisse se défendre en constituant une armée de conscription, une milice, voilà, mais pas au sens français de milice, hein, vraiment une armée de conscription, que les citoyens auraient intégré avec leurs propres armes. Et ça, à la fin du XVIIIe siècle, ça faisait sens. Et ce que disent les partisans de ce qu'on dit pendant longtemps les partisans du droit aux armes, c'est que dans ce cadre-là, c'est dans le cadre de la défense des États, des 50 États fédérés, pour éviter des excès de pouvoir du gouvernement fédéral. Et vous savez que c'est la Cour suprême qui, aux États-Unis, définit ou interprète la Constitution. Et pendant tout le XXe siècle, la Cour suprême ne s'est pas prononcée sur cet amendement. Et elle s'est prononcée en 2008, et en 2008, elle a dit oui, le deuxième amendement ouvre bien le droit aux armes aux Américains pour l'autodéfense. Donc il n'y a pas d'évolution dans le sens sécuritaire qui serait synonyme de « on ne laisse pas les gens posséder des armes », il n'y a pas d'évolution. Non, au contraire. Au contraire. On n'a jamais été aussi loin d'une réglementation des armes à feu aux États-Unis. Avec un lobby puissant, la NRA, National Rifle Association aussi, ça compte, ça. Ah oui, tout à fait. Oui, la National Rifle Association revendique 4 millions de membres dans un pays de 300 millions d'habitants. Donc c'est énorme. Et elle a un pouvoir considérable. Un pouvoir financier, financer les campagnes électorales. Mais à mon sens, ça n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que elle tient un registre du positionnement des responsables politiques sur cette affaire d'armes à feu. Et elle note les responsables politiques. Et lorsque vous habitez aux États-Unis, vous pouvez aller sur le site web, taper votre code postal et savoir comment les candidats aux élections locales se sont positionnés, même il y a 20 ans, 30 ans, sur la question des armes à feu. Alors précisément, donc, c'est redoutable pour un responsable politique. Précisément, parlons de l'encore président. Président des États-Unis pour un peu plus de 2 mois, Barack Obama, qui a connu des épisodes dramatiques pendant son mandat de fusillade. Pas comme une routine, parce que ça peut jamais être une routine, mais enfin, il en a connu plusieurs. L'un des événements importants fut la fusillade de Newton, quelques jours avant Noël 2012. 27 personnes sont mortes dans une école primaire. Je vous propose de réécouter, parce que vous l'avez déjà probablement entendu, cette déclaration, elle est célèbre, mais elle est importante, là, dans le sujet qui nous préoccupe, donc Barack Obama, à la suite de ce nouveau drame. Ici à Newtown, je viens offrir l'amour et les prières d'une nation. Je me rends tout à fait compte que les mots ne peuvent pas combler la profondeur de votre douleur, pas plus qu'ils ne peuvent soigner les cœurs. Pouvons-nous dire que nous donnons vraiment toutes les chances aux enfants de ce pays de vivre dans la joie et de donner un sens à leur vie? Je me suis penché sur cette question ces derniers jours, et si nous voulons être honnêtes envers nous-mêmes, la réponse est non. Nous ne faisons pas assez. Et donc nous devons changer. Nous ne pouvons plus tolérer cela. Ces tragédies doivent s'arrêter là. Et pour les arrêter, c'est nous qui devons changer. Dans les semaines qui vont venir, je vais faire usage de tous les pouvoirs pour engager mes concitoyens, depuis les personnels de sécurité aux professionnels de santé mentale, en passant par les enfants d'élèves et les éducateurs, pour faire que des tragédies telles que celle-ci ne se reproduisent plus. Quel autre choix avons-nous en réalité? Nous ne pouvons pas accepter que ces tragédies deviennent une routine. Bon, alors, il a eu 8 ans pour faire quelque chose, il n'a pas pu, c'est pas dans les 2 mois qui restent que Barack Obama va faire changer les choses de ce point de vue. Est-ce que vous pensez que c'est un échec de son double mandat? C'est un échec, oui et non, parce que de toute façon, il ne pouvait pas faire grand-chose, puisque l'essentiel de la réglementation des armes à feu appartient aux États fédérés, aux 50 États, et non au gouvernement fédéral. Lorsqu'on parle de réglementer les armes à feu... On pense quelquefois en France en termes d'interdiction ou d'autorisation. C'est en réalité un petit peu plus complexe que ça, parce que on peut en réglementer le commerce, on peut en réglementer la détention, c'est-à-dire le fait d'avoir une arme à la maison, et puis on peut en réglementer le port. Et la seule chose que le gouvernement fédéral puisse faire, c'est réglementer le commerce des armes à feu. C'est la seule chose que la Constitution lui donne le droit de faire. Et donc, ça a permis de mettre en place, par exemple, un contrôle obligatoire des antécédents psychiatriques et judiciaires lors d'achat d'une vente, lors d'achat d'une arme neuve. Et ça, c'est nouveau. Non, ça date de 93. C'est le gouvernement Clinton qui l'a mis en place. Mais c'est une loi qui est pleine de lacunes, parce qu'en réalité elle ne s'applique qu'aux ventes d'armes neuves par des armuriers patentés, elle ne s'applique pas aux ventes d'armes d'occasion. Oui. Et par exemple les deux jeunes de Columbine avaient acheté leur arme d'occasion. Le contrôle des antécédents est effectué par le FBI. Si le FBI ne répond pas dans un délai de 3 jours, la vente peut prendre place. Et de plus, les fichiers du FBI sont extrêmement lacunaires parce qu'ils dépendent pour leur alimentation des États, des 50 États. Et donc, c'est quelque chose qui est tout à fait inefficace. Donc, ça veut dire, sans mauvais jeu de mots, que ceux qui luttent contre la possession d'armes aux États-Unis avec les conséquences qu'on peut voir ne luttent pas à armes égales par rapport à une constitution et par rapport à un lobby fort. Le combat n'est pas équilibré. Non, le combat n'est pas équilibré. D'une part, parce que pour les gens qui souhaitent que les armes à feu soient plus réglementées, ça n'est pas forcément une préoccupation centrale, à part les gens qui ont été touchés personnellement par la violence armée. Mais pour les autres, ça fait partie d'une opinion politique générale. Alors que pour les amateurs d'armes, le fait d'avoir une arme est tout à fait central dans leur opinion leur vie, politique leur vie. Et dans leur vie et dans leur vie de citoyen. Et ils se prononcent quelquefois uniquement sur ce sujet-là, sur ce point-là. Et alors, c'est un petit pourcentage de l'électorat, mais c'est le petit pourcentage qui va permettre de gagner ou qui va causer la perte d'une élection. Est-ce qu'il y a une ligne politique qui passe entre les partisans de la possession d'armes et ceux qui luttent contre ça, où on aurait l'essentiel des partisans du côté républicain et les autres du côté démocrate? Oui, tout à fait. Mais comme toujours aux États-Unis, c'est statistique. C'est-à-dire que on va trouver des démocrates qui vont être plus en faveur du droit aux armes que certains républicains, selon leur région d'appartenance. Les États ruraux étant évidemment plus en faveur du droit aux armes que les États urbains. Et par exemple, il y a des lois sur les armes qui ont été adoptées dans des États comme l'État de New York, alors que le gouverneur Pataki était républicain. Breivik, ça c'est l'Europe, hein. C'est la Norvège. On pourrait parler aussi d'Albertville Real Schule, ça c'est en Allemagne en 2009. Un adolescent a tué 15 personnes. Alors Breivik, c'était lui 77 personnes, il en avait blessé 151. Donc ça veut dire que ce qu'on appelle les mass murders, c'est plus une spécificité américaine, c'est maintenant aussi européen. Je mets le terrorisme de côté, hein. On en reparlera. Est-ce que ça nous vient? Est-ce que ce vent mauvais, quand même, du mass murder, nous vient des États-Unis? Oui, il y a certainement un phénomène de copie de ce qui se passe aux États-Unis. Néanmoins, ils sont moins fréquents dans d'autres pays qu'aux États-Unis, parce que l'accès aux armes est beaucoup plus difficile. Lorsqu'on veut, si moi j'ai décidé d'acheter une arme en France, une arme automatique ou semi-automatique, je ne sais pas par où je commence. Si je vais aux États-Unis, en 3 jours, j'aurai une arme. Je chercherai où est-ce qu'il y a des foires aux armes et sur Internet. Très facilement, et comme il y en a à peu près 4000 par an sur l'ensemble des États-Unis, ce serait pas très difficile d'en trouver une. Et là, il suffit de trouver quelqu'un qui veut vendre une arme d'occasion, et puis on en trouve une. Donc c'est très très facile. Et c'est ce qui fait la différence. Bien sûr. Alors, nous sommes à la fin de la campagne présidentielle américaine, et on va écouter la réaction sur ce point de Donald Trump. Et lui fait un détour, alors plus ou moins intellectuellement et politiquement pertinent, mais il fait un détour par les attentats de novembre 2015 à Paris. C'est pas la même chose. De toute façon, c'est pas la même thématique. Mais lui réagit en s'appuyant sur cette thématique du terrorisme. France, you have the horrible attack. En France, vous avez subi une attaque horrible. Paris est l'endroit le plus dur sur la question des armes à feu. Et c'est pour ça qu'il y avait tant de monde dans ces endroits sans protection. Alors ces animaux sont venus et ont tiré. Il n'y avait rien à faire. Je sais une chose. Si dans la salle de concert seulement 25 personnes avaient eu des armes, l'histoire aurait été différente. But it would have been their death. Il y aurait des morts. Could have been something, but you're talking about hundreds of people, mais pas des centaines de morts. Bon, il y a quelque chose d'intellectuellement assez indigent, hein, de faire cet amalgame entre ce que sont des attaques terroristes et puis des mass murders de civils. Enfin, que pensez-vous de cette réaction de Donald Trump? Mais écoutez, c'est quelque chose qu'on entend très souvent aux États-Unis, qui est basé sur l'idée que si on interdit les armes à feu, seuls les délinquants auront des armes à feu, puisque les délinquants, par définition, ou les criminels, ne respectent pas la loi. Et que donc le fait d'interdire les armes ou de les réglementer sévèrement, eh bien, va mettre les citoyens honnêtes à la merci des criminels ou des terroristes hein, aujourd'hui. Ce que dit Trump correspond à ce que pensent beaucoup d'Américains. On se rend bien compte évidemment que il n'y a pas une réalité très très claire d'ailleurs ça, parce que à Orlando par exemple il y avait certainement où il y a eu un massacre assez similaire à celui du Bataclan oui contre les homosexuels dans une boîte de nuit contre des homosexuels il y avait certainement des gens armés dans cette discothèque hein, en Floride beaucoup d'armes circulent et il suffit pas d'avoir une arme, il faut encore avoir l'entraînement pour faire face à des criminels ou à des terroristes. Donc Trump, une fois de plus, dit n'importe quoi. C'est pas pour prendre plaisir à il exprime à le critiquer, mais enfin là c'est il exprime ce que pense le cœur de son électorat. Ah, alors justement, puisque nous parlons d'électorat et donc d'élection, quel regard vous portez vous le spécialiste, l'un des spécialistes français des États-Unis sur cette élection, sur ce qu'a été cette campagne politique? Écoutez, au point de vue des armes à feu. Non, alors plus globalement pour le coup, parce que les États-Unis vous intéressent, vous êtes un spécialiste. Bien sûr. Plus globalement, je crois qu'on constate un petit peu ce que l'on constate dans beaucoup d'autres démocraties. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre à un vote de rejet plutôt qu'à un vote d'adhésion. Et tiens, ça rappelle quelque chose, effectivement. Beaucoup d'Américains voteront Clinton par détestation de Trump, mais beaucoup d'Américains voteront aussi Trump par détestation de Clinton, donc par rejet des élites. La grande difficulté, je crois, qu'aura le président élu, quelle que soit la personne qui sera élue, ce sera d'obtenir l'adhésion des Américains. Alors, des Américaines. Quand j'ai dit que ça rappelle quelque chose et pas seulement la France, on vote presque par dépit, en tout cas on vote, c'est pas un vote d'adhésion, on vote contre un autre, et on voit en même temps, et les phénomènes sont probablement liés à monter des populismes un peu partout, et qui est incarné par Donald Trump aux États-Unis. Tout à fait. Donald Trump se donne l'image, en tout cas, même si elle n'est pas forcément exacte, de l'Américain plein de bon sens, qui parle pour l'Amérique, qui veut rendre à l'Amérique sa grandeur passée, alors que Hillary Clinton représente, même si elle vient à l'origine de l'Arkansas, elle représente la côte Est. Et oui. Elle était sénatrice de New York, elle a été First Lady à Washington pendant longtemps, donc elle représente l'élite d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui lui est reproché par beaucoup d'Américains de base. Et puis, dernière question, comment se fait-il que les Républicains en soient venus à investir Donald Trump, qui manifestement ne peut pas gagner? C'est quoi cette idée? Écoutez, c'est une idée. Je crois qu'à la base, oui, c'est le populisme. C'est ça. C'est le entre autres les amateurs d'armes, par exemple, qui vont adhérer à ce que dit Trump plus qu'à ce que va dire Clinton. Bien, merci beaucoup Didier Combeau et rendez-vous mardi prochain pour voir les résultats de l'élection présidentielle américaine. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la tuerie de Colombagne, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, suite de notre semaine américaine, nous évoquerons l'affaire de Watergate.